will attack, and you don't want that. Les mix exclusifs sont chez nous, 4h58 jusqu'à dimanche, ils sont chez nous en tout cas. Alors attends, on va peut-être prendre Patrick là. Patrick, salut Patrick. Ah, il est là, j'avais eu peur, on l'a paumé dans la broussaille. Patrick, ça fait une demi-heure qu'il nous a appelé et qu'il poirote pour pouvoir parler. Patrick, c'est à toi, alors profite-en mon fils. Ok, bah je vous remercie de m'avoir laissé attendre sur les bandes annonces. C'est cool hein. Ouais, t'as eu tout le bêtisier par téléphone. Allô, je me suis gouré là, je reprends. Alors Patrick, je suis du côté d'Arpajon, voilà, j'habite à Wessy. Ouais. Et Maximum, j'ai suivi depuis pratiquement son début, j'ai passé le bac avec. Ouais. Et ça fait il va nous faire chier, ce qu'on l'a. Écoute, j'ai dit une chose, mon mouchoir est complètement trempé, tu vois, donc j'ai vraiment les foies, quoi. Ouais. Voilà, donc ça fait une grosse perte, on se fait lourder là, bêtement, sans presque de raison. Bah écoute, justement, on aimerait avoir les raisons. Bah écoute, nous ce qu'on voudrait dire, c'est surtout, parce qu'on a rien dit nous encore, hein. Ouais. On va le dire après. Moi j'ai un truc à dire et on va le dire après. Merci Patrick. Y'a pas de quoi. On t'embrasse. Merci. Salut. Salut Patrick. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Ah ouais, j'ai oublié ton prénom monsieur. C'est pas grave, je m'appelle Pascal. Ah bah voilà, c'est Pascal monsieur, j'ai oublié. Alors Pascal, c'est marrant parce que qu'est-ce que tu faisais? Alors là, tu nous as appelé comme ça parce que t'étais en train de dire, qu'est-ce que tu faisais cette nuit? J'étais en train de faire des cochons, c'est tout seul, donc je voulais que vous veniez me voir, quoi, mais bon. Ouais. Non mais j'étais en train de vous écouter déjà et c'est pas mal. Ouais. Et voilà, je viens de rentrer du boulot et je suis très content parce que vous avez la pêche autant que moi, quoi. Que penses-tu de la fin de Maximum? Bah je trouve ça hyper dégueulasse. Ouais. Parce qu'ils sont en train de me sucrer ma radio et qu'est-ce que je vais faire pour mes cassettes maintenant? Ah bah ouais. Je pourrais plus vous enregistrer alors. Et non, surtout que nous on faisait exprès de parler pendant que les gens enregistraient. Ouais, mais c'est pas grave, je gommais tout après. J'étais plus malin. Merci. Bon courage en tout cas et puis de tout cœur avec vous. Merci. Ah bah on t'embrasse. Salut à toi. Salut, à bientôt. Alors, avant de shooter Carlos, on va se dire merci à tous les gens qui ont déjà, d'ores et déjà, parce que la nuit est presque finie, passé la nuit avec nous. De toute façon, la nuit est presque finie, mais on est là jusqu'à 5h, donc maintenant c'est le matin. Mais faut dire qu'il y a toujours des heures creuses dans les radios, faut qu'on vous dise. C'est toujours entre 2h, 3h, 4h, 5h. Et ces heures-là, eh ben, le standard a toujours été bloqué. Et à tout cela, ben, on leur dit 5 sioux, quoi. Ça fait peut-être Jacques Martin et l'Échecu et Sacré Soirée, mais merci on le pense, quand même. Parce que nous, on est cassés. Merci le champagne. Carlos, salut Carlos. Salut. Salut Carlos. Il va bien? Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Oui, oui. Dis-moi, alors, Carlos. C'est un allumé de la... Un brin de sérieux quand même. Oui, un brin d'humour, s'il te plaît. Carlos, que penses-tu de la fin de Maximum? Bah, moi, je suis un peu comme Patrick Bruel. Je peux pas juger, j'ai pas toutes les données, tu comprends? Toi, je comprends pas, là. Ouais, bon, genre c'est pas style. Clair, c'est pas genre. Clair. D'accord. Non, mais... Et sérieux non, alors. Mais sinon, je tenais à dire quand même que c'est grâce à Maximum qu'on a découvert des journalistes aux formes généreuses comme Catherine Laurence. Petit bonnet, mais aussi gros bonnet avec Carole. Eh oui. Mais enfin, on a quand même découvert KLF. Hein, ouais. Et ce n'est pas avec Sky de merde et énergie à la con. Avec What Time Is Love and the Children of the Revolution. Et c'est quand même grâce à eux, grande culture intellectuelle. Ouais, bah tu sais. Le pays du moumou. Ouais. Mais je vais te dire, Carlos, je vais te dire un truc. Mais je vais te dire un truc, moi. Tu sais qu'on est pas. On va pas casser du sucre sur les autres, nous. Nous, on préfère dire que Maximum méritait de vivre plutôt que les autres, c'est mauvais, tu vois. Oui. On a jamais dit ça. On a toujours dit qu'on était en avance sur les autres parce que c'était vrai et qu'on passait les tuyaux en tout le monde parce que c'est vrai. Et notre avis, c'était que Maximum avait sa place sur la bande FM en France parce qu'en France, il manque une radio comme ça qui innove un peu. Voilà ce qu'on pense. Et on pense pas que les autres ont pas le droit de vivre. Au contraire, ils ont le droit de vivre. Tu mets nous aussi. Bien, toi. Ah ouais, non, mais moi, quand je suis parlé, tu vois, 5h, c'est mon heure de pointe, là. T'es hors antenne, il est bête. Hey, Carlos. Oui. On va se mettre de la musique, alors je te jarre par la fenêtre. Et tu vas à Rio? Hein? Tu vas à Rio? Ouais, Rio de où? De Janeiro. D'accord. Salut Carlos. Salut, à bientôt. Il est 5h du mat, la nuit des tarés. On y va, allez. Roule ma poule là. Les années Maximum commencent. Maximum. Maximum. Stop musique. De Sydney Youngblood à Jean-Pierre Foucault en passant par Alexandra Cazan et Lonnie Gordon, découvrez chaque jour les projets d'actualité et le titre maximum des invités du Stop Musique. J'ai une activité tout à fait particulière, c'est que je viens de sortir un livre. En ce moment, le maximum, c'est ce que je fais en scène le soir. La présentation du bébé est prévue dans 20 ans maximum, donc on a vraiment le temps d'en parler. Stop Musique sur Maximum, une vedette envoie la musique. Stop. Stop musique. I like this song. Avant-première Maximum avec le magazine Mad Movies. Mardi 10 juillet à 20h à l'UGC Hermitage sur les Champs-Élysées à Paris, Maximum vous présentera en avant-première le retour de Flash Gordon. Découvrez Flash Gordon affrontant l'araignée dominatrice pour que la virilité du monde soit préservée. Un film bourré d'humour, d'érotisme, d'effets très spéciaux parodiant l'univers du fantastique. Un film chaud à vous faire rougir de plaisir. L'avant-première Maximum avec le magazine Mad Movies pour ceux qui n'ont pas peur d'être à leur maximum. remixé par Shep Petit Bone. Marché Mom. Avec des nouveautés Shulkun et Shane sur la Mansion, Sheena Easton. Cathy Delis, Everybody Move. Avec la nuit des tarés, Cocteau Patangeli jusqu'à 9h. Oh putain, la voix qui se barre déjà. Il nous reste 4h, pépé. Avec la mort de Maximum. Maximum is dead. Et jusqu'à 10 manches. Et eh ben ça va être le délire. Et cette nuit, c'est quasiment le plus gros délire. Le gros boxon sur la bande FM. J'osais pas le dire. Bah oui. Bon. Attention. Double. Vous pouvez gagner quoi? Au 16 1 40 39 09 09, vous pouvez gagner un t-shirt Max plus un CD single de Lisa Lisa. 19 depuis l'Espagne. 0033 1 40 39 09 09. Oh putain. Laisse tomber. 71, Cocteau, répète après moi. 71. Merci. 16 1 40 39 09 deux fois pour un t-shirt maximum. Et puis c'est Lisa Lisa. Le mot de passe est la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie. Telex Jones. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Eh ben on va se faire le double X tout de suite. Et comment il s'appelle ce brave jeune homme? Patrice. Bonsoir. Salut. bonjour plutôt, 5h18. Oui, c'est le temps. Oui. Salut Patrice. 5h18, le journal. Avec Patrice de Besançon. Oui, c'est ça. Quel temps fait-il à Besançon? Nuit. Bon, d'accord. Alors? Quel bout en train. Et alors, t'es pas loin des stations de ski? Oh, pas vraiment, non, il y a quand même quelques kilomètres. Et est-ce qu'il y a de la neige chez toi? Non, pas encore. Il y a pas de neige? Non, pas encore. Besançon, quand même, t'es à combien de bornes des stations de ski? Il y a un mec qui doit situer à peu près 80-90 km. Ah, quand même! Ah, c'est moi, Besançon, je voyais ça carrément à côté des stations de ski. Alors, avant de jouer, mon petit go, on va parler de la fin de Maximum. Dis donc, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là, toi? Tu travailles ou quoi? Oui, je travaillais. J'étais employé de discothèque, mais c'est fini, alors. Tu rentres de soirée? Je rentre de soirée. Et t'étais branché sur Max? Et donc, t'étais branché sur WX. Et alors, Maximum, t'écoutes de temps en temps ou c'était juste comme ça que t'étais tombé par hasard ce soir? C'est tous les jours. Tous les jours. Bah, c'est super. Donc on va un peu te manquer quand même. Le mec il lui arrache pas de la bouche. Hein, on va te manquer, dit. Oh oui, on va nous manquer. Bon, oui. Le mec il pense qu'il a gagné, tu sais, bon, là ton 2DX. Lève là tes cadeaux, lève là. Écoute. Double. C'est parti. Écoutez. Ruff. Fire. Oh, c'est la connerie de Chavannes, ça. Ouais, ouais, c'est bon, elle roule. Oh là là, Seal. Non, c'est pas ça. Oh, ça craint, là. Mais non. Pet Shop Boys. Ah, t'as pas plus facile, non? Ah. Rita. Ah, oui. Oui. Oh, bon. Ah, bah, Michael. Jackson? Non, George. Oh, d'accord. Comme Travolta. Toutes les nanas. Alors, tombe dans mes bras. Bon. Je la connais pas non plus. Ah, ils ont pas osé, j'ai compris. Ah, il était beau, celui-là. Je m'en rappelais plus. C'était un grand moment, celui-là. Putain, il y a même alors, une reverse à la fin. Eh, hey, Patrice, écoute bien. Alors, le double X, tu as loupé les Charlots. Ah oui. C'était le chagrin de l'amour. Les West Bam. Bon, t'as trouvé les Bassline Boys en oui et non. C'est tombé, il a pioncé pendant tout le truc. Il y avait Kinby, Funny and Kenny Balls, MC Walski, Rita Mitsuko, t'as trouvé George Michael aussi, Patrick Topalov. Ah oui. C'était Oui, ma chemise grise. Ensuite, il y avait Lisa Minnelli, la vieille peau qui s'est mariée avec un jeune. Et puis Sim pour terminer, qui était aussi Oui, ma chemise grise. Et alors, combien il en a trouvé lui? Il en a trouvé 3. Bravo. Ouais. Bravo, quand même. Hein. 3 sur 24. Non, donc, en fait, 11. Bon, un c'est honorable. Un t-shirt et un CD single de Lisa pour Patrice de Besançon. Bravo. Ouais, oui. Yeah. Merde, j'ai plus les applaudissements. Je les ai fourrés en route. Vous autres auraient pu me prévenir. Alors, Patrice, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait balancer un disque. Et puis Patrice, on voulait dire que tous ceux qui s'appellent Patrice maintenant ne jouent plus, parce qu'on va croire que c'est toi qui rejoues à chaque fois. Et on non, se fait veux... engueuler parce qu'on a pris deux mecs. Un petit hein mot pour Maximum. Ouais. C'est possible. En fait, ceux qui ont décidé d'arrêter Maximum, faudrait les tuer, quoi. Bon, on venira pas jusque là. On va juste se foutre un peu de leur gueule. Et puis on va soyons passer démocrate la nuit en ayant le sourire. Et puis en étant souriant. Comme ça, c'est la meilleure réponse qu'on peut leur donner. Tu crois pas? C'est vrai aussi. Allez, ouais. Bats-toi, petit homme. On t'envoie ça le plus vite possible. T-shirt, CD et on t'embrasse. Salut Patrice. Salut. Voici Antico. La liberté. Freedom, ça veut dire liberté. We need freedom. Ah, quand tu vois, ça fait mal. Giorgio et bienvenue chez Giorgio. Et demandez la part de... Et demandez de la part de Marlène pour Giorgio, le grand Giorgio. C'est good, good, good, on y va. Maximum, et là tu vois comme t'as des yeux bleus, tu regardes la caméra en face, ouais. Là, tu vois. Là. C'est Marcel Bellibo, belle, Lisa. Ouais. Alors là, je vous explique, là, je suis en train de parler dans le poste et de filmer Cocteau. C'est vachement dur pour Noël, un caméscope, mais j'arrive pas à bien parler. C'est pas avant évident. Le truc au-dessus de en la tout vie. Cas, c'était Lisa Stanfield à 5h30. Lisa Stanfield remixée par Drizza Bone. Yeah. Avec Change. Qu'est-ce qu'on va se faire? La nuit des tarés avec du bêtisier tout à l'heure. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est la matinée maintenant, vu qu'il est 5h30. Ah ouais, ouais, la ouais. Matinée des tarés jusqu'à 9h du matin, puisque Maximum disparaît le 5 janvier à 0h. Il faut bien le savoir. Ouais. Donc on en profite pour péter les plombs à son maximum, en train de faire un barbecue familial depuis 1h du matin. On a passé des promos il y a 2 ans. Voilà. Et 2 ans d'expérience ont toujours fait la différence. Je le répète 3 fois, mais c'est un truc que j'aime bien. J'avoue que on passe des vieilles promos et on passe des nouvelles promos, des récentes promos, celles qui vous ont fait marrer. Et puis juste après, on se fait un Maxi Mix Made in Max remix exclusif avec Paul Abdul et Opposites Attract. Maximum et Madison présentent The Chimes au Forestil Aqua Boulevard de Paris. Dimanche 14 octobre, Madison et Maximum vous invitent à venir rencontrer The Chimes en direct à partir de 16h au Forestil Aqua Boulevard de Paris. Découvrez en première partie et pour la première fois en public l'une des meilleures révélations Maximum à Bial. Dimanche 14 octobre à 16h avec The Chimes, Abial, Madison et Maximum au Forestil Aqua Boulevard de Paris, ça va bouger. Volume 2, rien que des tubes, mon colonel. Les versions uniques de vos titres, c'est sur Maximum. Here we go. Exclusif. Exclusif. Maximum. Here we go. sly and I'm playing it cool with my homegirl, Paul Lobster. Maximum avec Cocteau et Patangeli, avec le petit déj maintenant, ça va commencer à se réveiller, hein, 5h37, je sais bien que c'est pas une heure pour se réveiller hein, 31 décembre, parce qu'on est le 31 décembre, ce soir c'est le réveillon, mais nous on fait la fête avant tout le monde, on fait tout avant tout le monde, on veut encore faire la nique à tout le monde, et puis voilà, on l'a fait dans un instant, Sounds of Blackness, mais avant, une journaliste de Maximum, dont nous tairons le nom, parce qu'on est quand même un peu de pudeur, qui interview un groupe anglais, écoutez comme sur Maximum, on parle alors vachement bien anglais, hein. I give you at maximum the music and you say stop for the music. Okay. You can do only stop. Can what? Just say stop. Okay. And I give you some music and when you hear a music you like, you say stop. Okay. Okay. How many choices have we got? 20 musics. Yes, you like this? Yeah, I like that one. Okay. Can you see semi stop? Can you say stop? Yeah. Semi stop. What's this? Semi stop. Semi stop. maximum. Le 28 septembre, plus de dance que la loi ne le permet. Revenge, de 22h à 10h du matin, au fort de Champigny. Revenge, les DJ de toute l'Europe, de la nouvelle musique. Belgique, Marco, Hollande, Deschakan van Gorik, France, Olivier et la Tortue, Italie, Marco Bracciani, Angleterre, Harvey and Music Christians, Revenge, entrée 50 francs. Navette gratuite à partir de la place de la Nation, entre les deux colonnes. Revenge, ravage dans le monde de la nuit. Samedi soir, 21h. Enlève Max, éteignez la lumière. Éteignez la lumière. Montez, montez le son. Vous voyez, vous êtes ailleurs. Rêve Max. Maximum vous offre le dernier Rêve Max. 4 heures d'un autre univers, mixé par Laurent Garnier, en direct sur Maximum. Rêve Max, la soirée du futur. Samedi soir, 21h. Bon, allez, ras-le-bol du top, voici du neuf et pas du toc, Maximum. Tu sais que t'es bon. Here we go. The table's set, baby. Baby, you bring the noise and I bring the smile. It's been so long since you've been down to the kitchen, baby. My desire is running longer than a country mile. So true, you can make all my wishes. So real, you can make all my dreams. If you're good, babe, I'll even let you break the dishes. In Martika's kitchen, babe. You get it. I don't care about the chair if you think your butt'll fit it. You turn me all the way up, I admit it. Come on, get some in Martika's kitchen, baby. You bring the noise and I'll bring the smile. It's been so long since you've been down to the kitchen, baby. My design is running longer than a country mile. Oven is hot, baby. When we get started, we won't ever stop. Come on, get some in Martika's kitchen, baby. You bring the noise, and I'll bring the smile. So true, you can make all my wishes. So real, you can make all my dreams. And if you're good, babe, let you break those dishes. Martika's kitchen, babe. With all my wishes. The kitchen, babe. You can make Maximum, une production de A à Z. De Prince, même sous la couette. Ouais, sous la couette. Je crois qu'il lui a fait une petite. Et encore la brouette thaïlandaise, mon pote. Non, le boulier chinois. Ah oui, le boulier chinois. On va se connaître la casse-noisette et le vice sans fin aussi. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un truc hyper important qu'on voulait dire, c'est que Maximum à l'origine, c'est un concept, on peut le dire, radio américaine quoi. Oui, tout à fait. Ouais, radio américaine avec des jingles comme ça à blanc. Voilà. À savoir, donc à blanc, forcément, il n'y a pas de musique, c'est pas du chanter. Voilà. Oh, mixé dans la musique. Non, ouais, c'est pas ça. Des trucs. Et ça venait de deux côtes, ça veut dire les mêmes gens qui ont fait Hot 97 à New York. Je peux une petite précision, je voudrais remercier ceux qui ont fait la voix de Maximum pendant deux ans, à savoir Guy Montagnier pour l'homme et Danny Sénéchal pour la femme. T'as vu les voix, hein, c'est pas des voix de Blair. Hein. Ouais. Donc Hot 97 à New York, et ces gens-là ont aussi Power 106 à Los Angeles, Power 106 qui est leader radio à Los Angeles. La première radio, et Hot 97 doit être quatrième ou cinquième, un truc comme ça. Et donc c'est ces gens-là qui ont servi de conseil à Maximum au départ, et même que Fred Risser, il a pris l'exemple sur Hot 97, écoutez. Power 97. It's power, power, power 97. Power, power, power 97. Now the music line go. Good afternoon, and we will kindly sing to Power 97. And... beaucoup plus vite que ça. Ouais, moi je parle pas très bien anglais aussi. Hein. As good afternoon, and tonight you know you can listen to the radio power station 97 now, and you can. Attends, je vais parler en yaourt. Here we go now, and 17, and you can see it once again, once upon a time, and so now, let's go, the music now, here we go. I say I can play one, two, three, four, five, six, seven, here we go. C'est pas tant Julian Cocteau and for a Terrace Night, it's 5h09, it's 5 o'clock and 1 night. We're gonna speak to you and you're gonna speak to me. C'est l'horreur. Truc de fou. Alors il vaut mieux un poème, je sais pas, comme Va où je vais magnifique, va que. Voilà. Ou qui veut voyager loin, ménage ses montures, donc fais gaffe à vos lunettes. Et dans les minutes qui viennent, eh ben, on parlera, on discutera au téléphone un petit peu, hein, parce que la musique au départ. En tout cas, 1er avril 90, on a pété les plombs à son maximum, c'est vrai. On a refait un mix de Bourville, la tactique du gendarme, avec le Lil Louis. Vous allez voir, ça va donner, ça va même vous briser. Moi, je vous le dis. Oui, cassez les mecs. Exclusif. Maximum. Just l'avez entendu chez nous. Maximum. Don't talk. L-O-V-E. Check this out. L-O-V-E. The music. Tous les tempos dans la tour, dans 6h, dans 2 minutes, dans les Lando Q Productions et la nuit des tarés continue. Petit bébé chéri d'amour qui nous a bouté une bouteille de champagne, le plus info, il est moins 2, Zélanie, Hélène, soir bon. Bonjour. La 5 pourrait bien vivre ces dernières heures. Tout va se jouer ce matin au conseil d'administration extraordinaire. Hier, Yves Sabouret lui-même, le président de la chaîne, ne voyait pas d'issue à la crise que traverse la 5. Et non. Le CSA devrait prendre sa décision peu après. La 5 a de grandes chances de déposer le bilan. Baisse et rebaisse pour Tonton. Le président perd 3 points au sondage mensuel BVA pour Paris Match, soit 36% de bonnes opinions. Quant à Edith Cresson, c'est toujours la dégringolade. Moins 2 points avec 27% d'opinions favorables. Il n'y a plus que 20% des Français à se déclarer satisfaits de la façon dont la France est gouvernée. Mère Teresa, gravement malade, la religieuse de 81 ans a été opérée du cœur dimanche aux États-Unis. Elle souffre également d'une pneumonie, mais selon les médecins, son état est en train de s'améliorer. Le pari de Cap Auriol persiste et signe. Le français Hubert Auriol sur Mitsubishi a remporté hier dans une violente tempête de sable la première étape nigérienne entre Toumou et Dirkou. Du même coup, il conforte son avance en tête du général. Un classement dominé par les Mitsubishi qui s'adjugent les 5 premières places. Chez les motos, l'italien De Petri, blessé, a cédé sa première place à l'américain Laporte sur Kajiva. Victoire d'étape pour un autre italien, Eddy Orioli. Aujourd'hui, les concurrents repartent pour une étape de 601 km entre Dirkou et Ngimi. Météo Max, l'année ne finit pas en beauté dans le ciel en tout cas. Plein de nuages et un grand froid ce matin, mais la chaleur est dans nos cœurs. Un Cocteau et Pat. Oui. Surtout avec plus le interdit. Courageux mais pas téméraire, l'acteur Harrison Ford était loin d'avoir le courage d'Indiana Jones quand il était petit. Il avoue que quand il était enfant, il était très impressionnable. Et par exemple, il était terrifié à chaque fois que sa grand-mère enlevait son dentier. Maximum, il est 6h, la matinée est tard et continue avec Cocteau et Patangeli. Attention, chanson. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Par le blé habillé fou, je peux s'accroire qu'il faut qu'elle m'aime. Hey, hey, la la la la la. Exclusif, exclusif, exclusif, maximum. Maximum. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi, j'aime bien, moi. Est tout excité. Moi, j'aime bien, moi. Jimmy ne va pas tarder. Moi, j'aime bien, moi. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Moi, j'aime bien, moi. Spider-Man a envie de tisser. Moi, j'aime bien, moi. Maximum, Patangeli, Cocteau, 6h04. Bon, jusqu'à 9h, c'est la matinée des tarés. Ah ouais. La matinée qu'il faut en profiter. Et on ne fléchit pas, nous sommes en pleine forme. Et on est tiré. Un, deux, et Double X sur Maximum, 40-39-09-09, 10 titres à découvrir pour les cadeaux. 16-1-40-39-09-09, qu'est-ce qu'on a à vous offrir? L'album de Lisa, Technotronique ou un sac? On verra suivant notre morale. T-shirt, Porsche de Serge Reb toujours, qui n'a pas toujours été gagné. Et les tongs de Mars Calia. En tout cas, voici le nouveau Crystal Whoppers. Whoppers Al Ringos, lui, c'est qui parle d'énergie, ça y est, voilà, attends. Crystal Waters. Waters, un café comme tata, comme tante, voilà. Comme tu vas bien. En tout cas, c'est super. c'est sur Maximum. Say ooh, side to head. Exclusive. Say ooh, side to head. Say ooh, say say side to head. Ooh, hit it. Side to head. Say say ooh ooh ooh side to head. Say side ooh to head. Come on. Maximix, oups, hop, Maximix, c'est oups, hop, Maximix. Écoute, écoute la base de Madonna mélangée avec celle de Snap. Écoute la guitare, écoute les boots, écoute les Nike toutes neuves. Ce qu'il faut savoir sur le mix de oups, hop. tu veux, je peux parler un peu. Vas-y, vas-y, c'est bon. Sur le mix de Oops Up, le saxo. Le saxo, c'est Black Box en 45 tours. C'est horrible ce type, passé 5h du matin, il articule pas. Il articule pas de mots. Bon. Qu'est-ce qu'on voulait dire? On c'est joue le double X. On joue avec Laurent de Perpignan. Salut Laurent. Salut. Salut. Ça va, Libec? Tout se passe bien? Très bien, très bien. Ah, il y a un truc de fou, il paraît que tu nous écoutes depuis 18h. Ben ouais, c'est ça, je suis mordu, hein. Donc 18h. Hier, voilà, hier 18h, hier après-midi. Et donc tu n'as pas arrêté, mais qu'est-ce que tu fous? On veut rien, je vous écoute et puis j'enregistre, j'arrête pas, ça tourne et puis j'attends quoi. Est-ce que la nuit des tarés te plaît? Génial, putain, c'est trop cool. Bon, que penses-tu de la fin maximum? Oh ben génial quoi. Ouais bah super, eh bah il est content donc tout va bien. T'es content de la fin de maximum toi? Ouais. Ah bah alors c'est cool. Alors il, c'est bien. Lui dans le passé. Il s'est pas couché. Et alors est-ce que tu aimes te faire balancer dans un arbre par une corne de rhinocéros? Ouais, ouais génial. Moi ouais, j'aime bien. Moi ouais, j'adore. Moi j'aime bien. Moi ouais, j'aime bien. Tiens écoute ça, écoute. Double X. Double X. Robin Clark. Salut. Yes. Salut! Ah là, je sais pas là. Ah non, c'est trop. Qu'est-ce que c'est? Michael Jackson. Oui, oui, oui, oui, oui, oui! Ha! Bass! Oh là! Ah, je sais plus, j'ai paumé. The Killer. Girl. La bière qui fait t'aimer la bière. Oh, George Michael. Et avant, c'était les Mean Juleps. Et avant, il y avait Dirty Mind. Et avant, il y avait les Pointer Sisters. Et il y avait aussi Daisy D. Et au début, il y avait quoi, ma poule? Sonora Roach et tout ça. Il y avait quoi d'autre, alors? Sonia Roach. Ah bon, bah voilà, c'est ça Pointer que je voulais Sister, savoir. Ça te dit sinon, mon chéri. Bah vas-y. Alors, combien ça fait en tout? 3. 3? C'est tout, 3 titres de gagné. Ouais, c'est enfin, tout? Oui, c'est pas terrible. Pas hein. Bon, alors on va l'applaudir quand même. Bravo. Ouais. Moi, j'aime bien, moi, mon petit gars. Moi. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à cet homme-là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Comment vas-tu? T'es venu? Et on est super cool, relax ici à Radio Chrysanthème, 100 millième de seconde FM. Qu'est-ce que tu veux grogner entre un t-shirt? Qu'est-ce qu'on a? On a des albums de techno, Tronic, on a un sac c'est des singles de Lisa Lizanne de Cold Jam. Ouais. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Album de techno. Okay. Album de techno Tronic, c'est noté. De techno Tronic. Merci voilà. Laurent! Il sait à la fin. À bientôt. Hey Perpignan, salut Perpignan. Je vous envoie le soleil, salut. D'accord. Salut. Salut. La musique sur Max, 6h17, la nuit des Ouh tarés jusqu'à 9h, Cocteau Patangeli avec la musique de Kubik Tantaton. Night in motion. Night in. In. Night. Night in motion. 23 octobre 1990. 23 octobre 1990. Maximum en un an. Fêtez l'anniversaire de Max avec nous et gagnez un coffret DMC des meilleures nouveautés du mois d'octobre. Repérez et identifiez aujourd'hui la chanson qui a démarré les programmes de Maximum il y a un an jour pour jour. Appelez-nous au moment où nous la passons au 16 1 40 39 0909 et si vous êtes parmi les 10 premiers, you win! Aujourd'hui, 23 octobre 90, joyeux Maxiversaire! Get the point? Good. Let's dance. Le 23 octobre 89, naissait, c'était le premier titre de la prog de Max. Mission Match, Janet Jackson, et les surprises ne sont pas finies. That's the end? Ouais, tu te fais pas chier pour l'enchaînement, t'as raison, on te fait pas chier. Pour son premier concert, Maximum vous offre Delight. Avec Maximum et 7 à Paris, mercredi 21 novembre, à la Cigale des moteurs, vous avez rendez-vous avec la psychédélire Delight. Location of Fnac, Virgin Megastore, Clémentine. Novembre à 20h, vivez la psychédélie live avec Delight. Maximum, c'était, vous l'avez entendu quand, au top 90 avec Delight. Et on se fait dire, est-ce que What Would We Do et matinée des temps enragés continue jusqu'à 9h sans Maximum. Et là, vous allez avoir le sourire jusqu'aux oreilles parce que déjà, c'est le réveillon soir, on n'a pas fini de faire, comme on dit, les ouaves pour être extrêmement poli. Info, qu'est-ce que les bonnes et les Zélanie mettre à poil. Bonjour, échec et mat pour Charas. Le ministre des Finances devra trouver autre chose pour faire la chasse aux fraudeurs de la redevance télé. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'un des articles de la loi de finances 92, celui qui autorisait les services de Charas à consulter les fichiers de Canal+ ou du câble pour trouver les fraudeurs. On respire. Inflation, en 91, la France a fait mieux que l'Allemagne. Les prix ont augmenté d'exactement 3% dans l'Hexagone contre 4,2% outre-Rhin. Résultat officiel des législatives en Algérie, le FIS largement en tête. Le Front islamique de salut a enlevé 188 sièges sur 430 dès le premier tour. Il est suivi par le Front des forces socialistes d'Aït Ahmed avec 25 élus et par le FLN, toujours au pouvoir, 15 sièges. Deuxième tour le 16 janvier. Le sommet de la nouvelle CEI, accord difficile. Hier, les 11 dirigeants de la communauté des États indépendants étaient réunis à Minsk. 8 se sont mis d'accord pour un commandement militaire unique, mais 3 font bande à part, l'Ukraine, la Moldavie et l'Azerbaïdjan. Le bouton nucléaire reste entre les mains du président russe Eltsine. En revanche, sur le plan économique, aucun document n'a été adopté. Baffrez-vous sans vous ruiner. Pour fêter la nouvelle année, vous allez pouvoir faire la razzia de foie gras, d'huîtres, de homards et de saumon fumé. Ils n'ont pratiquement pas augmenté depuis l'an dernier et certains ont même baissé, du moins chez les grossistes de Rungis. Apparemment, l'indigestion ne fait pas peur. Les commerçants ont remarqué qu'il y a plus de produits sur le marché que l'an dernier et qu'ils ont trouvé preneur sans problème. Oh là là là là. Météo Max, n'oubliez pas. pas le Dama pour ce dernier matin de 91. Ça change dans le studio, mais dehors, ça caille. Encore un potin sur Vanessa Paradis. Il paraît que le bel oiseau serait retourné habiter chez sa maman. Comme par hasard, Florent Pagny et lui est en train de tourner un téléfilm aux côtés d'une certaine Patricia Milliardet qui fut longtemps sa compagne. On ne sait pas ce que Lenny Kravitz pense de tout ça. Vous voulez que je vous dise, moi, Hélène Zelani ? Oui. Les mousquetaires, c'est vrai. Ça me fait une belle jambe. Maximum 6h30, la matinée vrai, des tarés avec Pâté Cocteau. Aime bien, moi. Les mousquetaires, c'est vrai. Maximum. What would we do? Les mousquetaires, c'est vrai. C'est vrai. Maximum, DSK, what? What would we do? Gling, gling, gling, gling. 6h35. La matinée des tarés continue jusqu'à 9h du matin. Il faut en profiter, puisque vous le savez, la fin de Maximum est proche. Donc, mon vieux, enregistre. Et puis surtout, fie-toi à ton Philomax. 40-39-09-09. Si t'arrives à foutre les doigts dessus, à cette heure-là, et si tu nous as écouté depuis une heure, ou si vous vous levez, tout simplement, et ben 40-39-09-09. Et puis, on vous fait causer à l'antenne. Ouais. Un petit peu, on parle avec vous, quoi. Pas longtemps, parce qu'il y a de la musique qui suit. Mais on essaye quand même de faire parler tout le monde. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. En tout cas, vous savez qu'il y aura une dernière soirée Maximum, malheureusement pour ceux qui habitent uniquement sur Paris, enfin malheureusement pour ceux qui habitent la province, forcément. Ça se passera lundi 6 janvier à la locomotive à partir de midnight. Voilà. C'est la soirée loup avec toute l'équipe de Maximum. Qui es-tu? Que fais-tu? Étant donné qu'on aime bien délirer, voilà. La première soirée loup qui a lieu au mois de novembre. Avec plusieurs étages, un étage nana en haut, un étage hétéro au milieu, un étage mec en bas avec ta casquette et YMCA. Étant donné que la promotion qui a été faite était un peu délire, on s'est dit on va se l'écouter. Parce on que va se la faire, tiens. On se la fait, hein, d'accord. Ah ouais, et juste après ça cartonnera. Maximum et Joker présente la nuit loup. Ah à la locomotive, le lundi 4 novembre, pendant que les loups sont là. Loup y es-tu? Qui es-tu? Qu'entends-tu? Ouverture des portes à minuit, le lundi 4 novembre, avec un max de surprises pour tous les loups avertis. Ah le 4 novembre à la loco, seulement pour les loups qui n'ont pas froid aux yeux. Vivez cette nuit loup avec Maximum. Vous l'avez choisi. C'est canon. Fiction, cartonne. Fantasy World. Fantasy World. Fiction. Ça cartonne. Fantasy. Ça cartonne sur Maximum. chez les verres. Mais c'est ma vraie tête. La nouvelle musique avant tout le monde. C'est sur... Non, merde, Ravenigré. Maximum. C'est vrai. One, two, three, no, little cutie, I ain't drinking. Let's go this, I was just thinking, you plus me, what a ride. If you was thinking the same, we could continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping on Peter. Pause, I'm in joy. Let me show you, baby, I'm a talented boy. How can I put this in a way so as not to offend or unnerve? But there's a rumor going all around that you ain't been getting served. They say that you ain't you know what, and baby, who knows how long. It's time for me to say what's right when all I wanna do is wrong. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Jizz from a friend of yours named Vanessa Bed. She said you told her a fantasy that got her all wet. Something about a little box with a mirror and a tongue inside. But she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I only call you after you say I can. Get up. Here I am. Come on. Get up. So here we are, my paisley crib. What you want to eat? Oh, toy, I don't serve ribs. You better be happy that dress is still on. I heard the rip when you sat down. Honey, them hips is gone, but that's alright, I clock them that way. Mind me of something James used to say. Get up. The dress headphone, I'll sleep far enough to see the crack of dawn. Don't worry about the bust, I'm gonna lock up every door. Then we can do it in the kitchen, on the floor, in the bathroom, standing on the tub and holding on the rod. You're in the closet underneath the clothes and oh my god. In the bedroom, on the dresser with your feet in the drawers. In the pantry, on the shelf, I guarantee you won't be bored. The pool table, yeah, move the sticks and put the 8-ball where sure to stick. Dudley, do no wrong tonight if they'll just let him kick it. Roger Nelson. Roger Nelson que tu mets dans une 504 devant un Euromarché, tu lui dis rentre dans ton pays. Avec la cravate jaune, avec la tour Eiffel. Truc crade, mais enfin, il chante très bien. Et alors, on va jouer. C'est Laurent ? Ouais. C'est Laurent. Salut Laurent. C'est Laurent. Il va bien ? C'est cool. Ah ouais. Ouais. Je vois que vous avez la paix, c'est super cool. Tu te couches tard ou tu te lèves tôt, 6h45 ? Non, je finis de bosser là. Ah bon ? Ouais. Alors, que penses-tu de la fin de Maximum ? Exprime-toi, vas-y, je t'en prie. En vérité, c'est hyper dommage, tu vois, parce que c'était vraiment la meilleure des baisses des radios FM. Hein. Et ça restera quand même la meilleure de toute manière. Hein. Ah. En tout cas, je conseille à tout le monde d'aller à la dernière soirée du Central, parce que ce que vous faites au Central, c'est vraiment the top, hein, sérieux. Technozone ? Ouais, c'est super. Pour ceux qui aiment la techno, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bah, on sait pas si on était les meilleurs, mais on est sûr qu'on avait peut-être notre petite place, on l'a mérité notre petite place ouais, quand même. On a apporté quelque chose. Il n'y a pas de problème. Bon, et puis en France, on avait besoin de quelque chose qui remue un peu, quoi, ouais, parce que sinon on s'endormait. Quoi. Tout J'espère qu'on va pas pioncer sur la bande FM quand on sera parti. Il y aura des gens qui prendront en live. Laurent, ça fait longtemps que tu nous écoutes ? Ah ouais, bah ça fait au moins plus d'un an. Ouais. Où est-ce que tu crèches ? Dans le 19ème. Ah, donc t'es parisien ? Eh oui. Ah bon, alors t'as participé à des soirées, t'es venu nous voir à des soirées ? Ouais, tout à fait, au Central d'ailleurs. Eh bah tout va bien. Récemment. Eh bah écoute, c'est super sympa de nous avoir appelé, de nous tenir le moral en haut en ce 31 décembre de Saint-Pierre et Sylvestre. Ouais, faut continuer comme ça tout le week-end à fond, vous mettez la sauce comme ça. T'inquiète pas, fais-nous confiance. On va en prendre plein la gueule. Ouais, oui. C'est cool, grand peu figuré. Salut Laurent. Salut Laurent. À bientôt. Là on a D-Roy. Oui. Salut D-Roy. Ouais salut. Alors moi je trouve ça c'est complètement scandaleux parce que bon moi je reviens des États-Unis là, j'ai passé un mois là-bas. Ouais. Et au niveau bon de la bande FM, ils sont complètement délirants quoi, ils sont un peu comme vous. Ils ont juste 10 ans d'avance. Non pas 10, 20, je dirais moi. Ouais. C'est complètement dommage, c'est de voir que quand on a quelque chose qui marche en France, faut que ça foute le camp quoi. Moi je veux dire ça me fout les boules complètement. Et je délirais pas mal avec votre radio. Moi le matin je me réveille avec ça, hein, je me brossais les dents, bon, je peux pas vous dire. Avec Dom Perrin. Oh, salut, c'est nous à quoi, Dom Dom. Et puis un petit message personnel, Dom Dom Perrin, enfoiré. Tu devais nous appeler pour qu'on te fasse parler à l'antenne. Donc si tu nous écoutes, sache que toute l'équipe de Maximum est de tout cœur avec toi. Tu es un gros crétin. Bah les gars, j'espère que vous allez nous en mettre plein la pomme pendant toute la vue, hein. Jusqu'à dimanche, hein, c'est un peu l'émotion qui me fait parler. Jusqu'à dimanche, ça va donner l'émotion à son maximum. Merci D-Roy. Ouais, merci. Salut, les gars, à plus. Bon merci. Salut. À bientôt. Attention, dans un instant, le nouveau Schnapp. En tout cas, voici la dernière promotion des nouveautés de la semaine sur Maximum. Écoutez, la DRDDR. Maximum présente la nouvelle musique de demain avec cette semaine Sabrina Johnson. Crystal Waters. The Order 2. La nouvelle musique, session Maximum. Like your love, that's a Romeo who always says I'm not a con man. Throwing your rap, L'entendez que sur Maximum. Maximum. Demandez Maximum, ne quittez pas. Avant, j'étais branché à fond sur Skyrock. Maximum, moi, je trouve tout ce qu'ils vous mettent, c'est plus moderne. C'est vraiment, c'est dingue, votre radio. Mais il manque une émission sur la cuisine antillaise. Tous les bons mix qu'il y a, vous avez, là, ça, c'est super. Vous n'allez pas essayer de devenir banal comme les autres radios, j'espère. Je pense que je vais rester sur Maximum, parce que c'est vraiment génial. Merci d'être branché sur la Max Music. Max Music. Maximum. Nous l'avons passé les premiers. Maximum. Maximum. Escapade, hey, c'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. Maximum, dans deux minutes, ça sera Sabrina Johnson avec Peace. C'est avec... toujours Patanjali et Cocteau, c'est au CTO jusqu'à 9h du matin pour la matinée qui a fait halluciner grave. Bon allez, on y va. Il est moins de le plus info. Moins ça. Tais-toi, toi. Giflé, hein, tu me provoques. Hein. Hélène Zélani, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 18h, dernier délai pour pouvoir voter l'année prochaine. Ensuite, il sera trop tard pour vous inscrire sur les listes électorales si ça n'est pas déjà fait. La 5, dépôt de bilan ou pas, telle est la question. Le conseil d'administration extraordinaire doit y répondre ce matin. Hier, le président de la chaîne, Yves Sabouret, montrait lui-même bien peu d'enthousiasme. Je ne vois pas comment on pourrait continuer, a-t-il dit. Les accros à l'alcyon devront changer de somnifère. Les comprimés à dosage fort sont retirés du marché français. Une décision du ministre de la Santé Bruno Durieux en raison des effets secondaires potentiels du médicament. Le fabricant annonce qu'il va faire appel de cette décision. L'alcyon est le somnifère le plus vendu dans le monde. Rien ne va plus pour Giancarlo Paretti. L'homme d'affaires italien a perdu le contrôle des studios de cinéma hollywoodien MGM Pathé. Il passe à une filiale néerlandaise du Crédit Lyonnais, une décision de la justice américaine. Paretti a été arrêté vendredi à Rome pour fraude fiscale et association de malfaiteurs. Paris-Le Cap-Auriol continue sur sa lancée au volant de sa Mitsubishi.